Eh bien bonjour vous les amis, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 pour l'émission Call to Be Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae où je vais vous présenter 8 artistes fabuleux comme Aura Sandy, Little Buddha, Memon and the Morgoths, sans oublier Panic Jay, Reggae Shark, Sed, MT Saya et encore Warped. Allez les amis, commençons avec le premier chanteur qui s'appelle Aura Sandy. C'est un chanteur jamaïcain et la chanson s'appelle Just Say Wow. C'est parti les amis. Voilà les amis, c'était Just Say Who de Horace Andy. Je vous propose qu'on continue avec un autre chanteur très talentueux qui se nomme Little Buddha. Il va chanter la chanson Reggae Music. Hey Little Buddha, ma c'est revient encore une fois. Lâche la pression, fais un peu comme chez toi. Reggae music est là pour apaiser les pensées. Viens assieds-toi, profite de cette cadence. Et la faille de ces accords vous donne le sourire. Quand même dans les ombres, il y a une lueur qui brille. Sur la vibration, il y a un peu de mystique. Et si seule ta tête bouge, surtout pas de panique. Reggae music, oh, reggae music. Bougez frères et sœurs sous cette rythmique. Reggae music, oh, reggae music. Positive vibration, en puissance artistique. Je suis ici, j'tente de m'immiscer. Je suis ici, sans de MJC. Et si t'es là, t'as plus qu'à danser. For the youths, generation. For the youths, generation. For the youths, generation. For the youths, generation. Et bien voilà les amis, c'était Reggae Music. La chanson nomme, la prochaine chanson, excusez-moi, se nomme Human. Elle est chantée par Memon and the Mongoose. Vous allez voir, c'est juste super. Mm-hmm. partir tout droit vers ma destinée. Pourquoi pas dire oui une fois sans goût d'hésiter. Tout mon cœur brille à ton heure. Mon frère, ma sœur, c'est fini la douleur. Et pour revenir à Roumanie. Pour continuer cette émission, je vous propose qu'on passe à un groupe de deux chanteurs. Ils se nomment Panic Jay et Mick Tequila. Je vais vous faire découvrir l'une de ces chansons qui se nomme Physical Guile. Je sais pas si je prononce bien, mais dans tous les cas, vous allez voir, c'est super aussi. Yo, Panic, en cas trouvé démentiel, t'as là, c'est la vraie officiel. Y pas besoin superficiel, pas besoin retouche logiciel. Ouais, y qu'a mené mon ancien. Il y a un bel potentiel. Efficace qu'on boit séquentiel. Gale au noir, y'a l'essentiel. C'est un physical gale. Là y qu'a passé, y qu'a fait tout normal. Gauche, droite, gauche, droite jusqu'au champ frontal. Que y'a ça y'a un physical gale. Physical, physical, physical gale. Gale. Là y qu'a passé, y qu'a fait tout normal. Gauche, droite, gauche, droite jusqu'au champ frontal. Que y'a ça y'a un physical gale. Physical, physical, physical gale. Aïe. Ou ka fait yo mal, faut avouer que physique parce que normal. Depuis ou ka passé yo tout ka fait morphal, ou ni un sac d'orsal, venez m'en parler bokial. Aïe, aïe, ou c'est un criminal. Arrêtez, brûlez, qu'on ça, ça qu'elle finit mal. Pour une cabine, il faut nous voler physical, gal. Mangez des corps ou pas fin criminal. C'est un physical, gal. Là, y ka passé, y ka fait tout normal. Gauche, droite, gauche, droite jusqu'au champ frontal. Que y a ça, y a un physical, gal. Physical, physical, physical, girl, girl. Là y qu'a passé, y qu'a fait tout normal. Gauche, droite, gauche, droite jusqu'au champ frontal. Que y a ça y a un physical, girl. Physical. musical, physical, yeah. Est-ce la loup, je vous dis la vie à Kona Matata. Ça n'est tellement potentiel, homme qu'a fini à Baba. Oulala, que passe à la caverne d'Alibaba. Foutre-nous un mec, femme panique, j'ai aimé Tikila. Meilleur pompon, mouette, qu'on y a béton. Fais le combo, faut j'pense à quel type y a béton. Quel, t'es y'a chou là, ça m'a dit y t'entend. Kizmo y'a la poudre, est-ce que tu y as musical, girl? Là y qu'a passé, y qu'a fait tout normal. Gauche, droite, gauche, droite, jusqu'au champ frontal. Que y'a ça y'a physical, girl. Physical, physical, physical, girl. Girl, là y qu'a passé, y qu'a fait tout normal. Gauche, droite, gauche, droite, jusqu'au champ frontal. Que y'a ça y'a physical, girl. Physical, physical, physical, girl. Oh, c'est un peu au physical, girl. Un gal fatal qui pas banal. Un peu du local artisanal. Ou mis tout en trop et ça pas mal. Record mondial ou dans les annales. N'importe qui n'ont qu'à tourner chat. Gal, même ça qui pas fait qu'à taper là. Dans au classement général ou à yal, gal. Ça pas loin, yal. Ou qu'à déclasser yo qu'on a dal. Veillé pour pas finir qu'on va. Valou c'est un star, mais tes gilets pas mal. Physical girl, là y qu'a passé, y qu'a fait tout normal. Gauche, droite, gauche, droite, jusqu'au champ frontal. Que y'a ça y'a physical girl. Physical, physical, physical girl. Girl, là y qu'a passé, y qu'a fait tout normal. Gauche, droite, gauche, droite, jusqu'au champ frontal. Que y'a ça y'a physical girl. Physical, physical, physical girl. Et bien voilà les amis, c'était Physical Girl de Panic J et Mick Tequila. Poursuivons maintenant avec un autre chanteur, une autre chanson, voilà, j'ai du mal aujourd'hui, hein, qui se nomme Reggae Shark. Je connaissais pas, et j'ai découvert ça aujourd'hui, et je peux vous dire que j'ai direct kiffé, donc j'espère que vous allez aimer aussi, vous allez voir. Franchement, moi j'ai plutôt kiffé, donc j'espère que vous allez kiffer aussi, quoi. Gonna tell you the story of a reggae shark. There are hundreds of sharks living under the sea. Great white hammerheads and white tip reefs. But the one shark discovery always leave out is the dreadlock rasta fish I'm talking about. Reggae shark, reggae shark, he's real. Reggae shark, him got a band with the seals. Oh, reggae shark, he don't want to harm ya. Reggae shark, he just want your ganja. Reggae shark, after dark, reggae shark come cruising. Some say reggae shark part human. Him was cursed by an evil jelly. And she was just a bitch. Some kids were boating and smoking a spliff. Reggae shark swam over to ask for a hit. The kids start screaming and one of them drowned. Now the sheriff and his posse gonna hunt him down. Reggae shark got no political agenda. Reggae shark, he just wants redemption. Reggae shark, and he also wants ganja. But you can't light a spliff when you live underwater. When they a drug boat had to drop its load, shark come along and him ate it whole. Now he's starving like Marvin got the munchies. Then him see the evil sheriff and all his flunkies. He put his fins in the air, said it wasn't me fault. But the sheriff set fire and a rifle shot. But it was just a shark decoy tied to a raft. Cause the reggae shark's a master of the arts and crafts. Reggae shark, he jumped on the boat and the sheriff fell down his throat. Cheered and said, you brought us peace. You took a bite of corruption in the town police. They threw him a huge ticker tape parade. Cause they know that the balance is the food chain. They gave him the key to Kingston Town. You should see the tourism it brings in now. You've redeemed yourself, said the jelly witch. Me can reverse that curse and I grant your wish. Him looked at the witch and he said, nay. Cause I'm a reggae shark and that's the way I'll stay. Reggae shark, reggae shark, reggae shark, reggae shark, the key of awesome. Hey, thanks for watching the Key of Awesome. If you want to see all the other Key of Awesomes, click in the link in the description. And I want to thank the Reggae Shark for being in this video. Thanks for sharing your story. And I want to thank the Key of Awesome for having us. So is there like a channel where they can hear some more of your songs? Nah, me no have no channel. There ain't no internet connection underwater. But you can buy this here song on iTunes. Other than that, if you want to hear my music, just go down to Jamaica, get in the water and follow the sound. You'll hear me giving a free concert for the people, the sea people. Cool. Oh là là, mais Rasta, j'adore cette chanson. J'espère qu'elle vous aura plu aussi d'ailleurs. Allez les amis, c'est l'heure de la devinette. Alors, c'est un groupe de reggae allemand. Ah oui, c'est pas très connu, mais bon, peut-être que vous connaissez, hein. Qui sait ? Donc, ils sont allemands. Ils ont commencé en 1998 et ils ont fait un feat avec Anthony B. Allez, je vous laisse un petit peu réfléchir. Voilà, quelques petites secondes. Eh oui, je parle bien du groupe Seed. La chanson se nomme Ofsten. Or, je suis sincèrement désolé de la prononciation, mais j'ai jamais fait de cours d'allemand. J'ai fait des cours d'espagnol, mais pas d'allemand. Donc, si c'est la mauvaise prononciation, je m'en excuse sincèrement. Mais vous allez voir, malgré ma prononciation mauvaise, la chanson est plutôt bonne. Geister sind weg, ich geb dich aus dem Bett und mach Kaffee, der tote Tanten weg, sind schön angezeckt, löschen unseren Brand mit Sekt, wir fahren an den Strand, das Leben fiebert, wir haben uns angesteckt, gestern war's so kalt, heute ist es heiß, Sonne macht geil und weil das so ist, scheint sie heute zum Beweis, Radio klingt feist, gestern war in den Top Ten Scheiß, heute ist die Liste heiß und du tanzt, dass ich Gott will deine Kiste preisen, Baby, wach! Ich zähl bis 10, das Leben will ein Ausgeben und das will ich sehen. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Oh, das wird unser Tag, Baby, wenn wir aufstehen. Oh, steh auf, jetzt oder nie. Girl, zu viel geschlafen und das Leben ist halb vorbei. Ich steh drauf, wie du tanzt zu dem Lied. Wir holen uns zurück, was irgendwann auf der Strecke blieb. I want to see your funny side again. Take me to your heart where it all began. I promise I'll do all I can, for this is the very last chance to let our love light shine again. Les amis, c'était Seed. Allez, continuons dès à présent avec notre avant-dernier chanteur qui s'appelle MTSAYA. Il va nous interpréter la chanson T'enferme pas. Vous allez voir, je suis sûr que vous allez adorer. Yes, I am. Genius. Yeah, yeah. Ooh, ooh. Man, MTSAYA, sur le son again. Hey! Regarde la vie autrement, essaye de vivre de bons moments. sur les problèmes. Apprends à vivre en déjouant les pièges de ce système. On sera jamais d'accord, non, quoi qu'il advienne. On a compris très vite, yo, qui nous promène. Et les jours passent et tu es toujours en stress, comme dans une impasse, mais tu sais calmer le stress. Et tu captes plus tous les regards qui t'agressent. Et tu vis en oubliant ceux qui veulent que tu te rabaisse. T'enferme pas quand tu es blessé. Trouve un moment pour t'apaiser. Ne cogite pas trop sur ce qui s'est passé. La vie est courte, il faut t'en occuper. Regarde la vie autrement. Essaye de vivre de bons moments. Essaye d'être bien dès maintenant. Non, yo, cette vie n'est facile pour personne. Désormais vraiment plus rien nous étonne. On a tous envie que ça change dans ce monde. Trop de gens ont mal dans leur personne. C'est leur choix, font qu'ils déconnent. Beaucoup de gens profitent des plus faibles maintenant, non. Comment voulez-vous qu'on soit tous ensemble? Il faut y mettre du sien pour qu'on avance. C'est la vibe qui me guide maintenant. Grâce à elle, je vis de bons moments. Crois en ce que tu aimes pour bien vivre ton présent. Il faut te sentir bien, non, dès maintenant. T'en fais pas quand tu es blessé. Trouve un moment pour. Ne cogite pas trop sur ce qui s'est passé. La vie est courte, il faut t'en occuper. Regarde la vie autrement. Essaye de vivre de bons moments. Essaye d'être bien dès maintenant. Hey, quand tu as de très bons amis, il faut faire en sorte que tout le monde apprécie. On est là, on partage, on survit. On se souvient très bien des pires moments qu'on a traversés. Les meilleurs et pires passages de notre vie. Ce qu'il faut que nous sommes soudés aujourd'hui. Quand tu as de très bons amis, il faut faire en sorte que tout le monde apprécie. On est là, on partage, on survit, yeah, yeah. Ensemble on reste fort, on reste bien. Nos souvenirs restent notre force. On se souvient très bien des pires moments qu'on a traversés. Les meilleurs et pires passages de notre vie. La vie est courte, il faut t'en occuper. Regarde la vie autrement, yeah. Je le sens, mon petit Saïa. C'était Mettez Saïa, t'enferme pas. Allez, les amis, pour finir, notre dernier chanteur s'appelle Warped et la chanson s'appelle Woman. Mwen nou pa fè anyen pou sa, donc mwen pe pa fè anyen kont sa, piske se la vi ki ve sa. Mwen mèl kon si, mwen mèl kon sa. Mwen nou pa fè anyen pou sa, donc mwen pe pa fè anyen kont sa, piske se la vi ki ve sa. Mwen mèl kon si, mwen mèl kon sa. En telle simplicité, pas ni complexité, les nous en complicité, femme ou en l'or, et c'est douette pour ça, moi, mais en l'eau. Elle est nous qu'a fait des tripes campées par cité, les nous bien excités, à faire trembler les murs de la cité. Oh, mi amour, en mettant vous et les amours. Égal ou qu'a déclenché ses coups sismiques. On y en telle physique ou bénéfique qu'on musique. Et même si délai ça électrique, fais la pas tragique. Parce qu'on savent pas, même j'en savent prendre critique. En commande ou de rester véridique, authentique. Et moi-même qui mettais en pratique. Toujours que ni jaloux, ça logique. Mais ça nous qu'a vivre la magique. Parce que moi nous pas faire rien pour ça, donc moi peux pas faire rien contre ça, puisque c'est la vie qui fait ça. Moi mes conseillers, moi mes bons ça. Moi nous pas faire rien pour ça, donc moi peux pas faire rien contre ça, puisque c'est la vie qui fait ça. Moi mes conseillers, moi mes bons ça. Moi nous dans les gènes, depuis bien plus jeune, non, déjà savais. que se wante le, se wante la, se wante la. Coquine d'origine, caline et maline, tout ce qu'il faut pour stimuler mon hémoglobine. Gal se wante lo, gal se wante lo. Donc qui nous mange, nous dit moins plus vieux. Pas ni différence, c'est moi toujours là. Oui, c'est moi l'eau. Oui, c'est moi l'eau. Et même si demain, le soleil pas levé, la terre décide qu'elle va arrêter tourner. C'est moi qui est là. C'est moi qui est là. Ou moi, nous pas faire rien pour ça, donc moi, peux pas faire rien contre. Ça, puisque c'est la vie qui veut, ça, moi, mieux qu'on si, moi, mieux qu'on ça. Ou moi, nous pas faire rien pour ça, donc moi, peux pas faire rien contre. Ça, puisque c'est la vie qui veut, ça, moi, mieux qu'on si, moi, mieux qu'on ça. Et bien voilà les amis, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous, bonne semaine à tous, on se retrouve dimanche prochain 21h sur Fadjet, salut tout le monde.